On a le mien, bien sûr. On a celui de Simon. On ouvre celui de Simon. Ça monte. Non, le voilà, celui de Simon. On est pourquoi ma cassette n'a pas fonctionné? On est quand même à 70%. On est quand même avec M. Guy Nantel, duquel je vais ouvrir le micro en dernier ici. Oui. Bonsoir. Oui. Et puis, on va faire comme d'habitude. Je vais m'excuser que... Je sais pas pourquoi. D'exister. Oui, je commence tout le temps par ça, en m'excusant. La misère, Tommy. Maintenant, ça va être le tour à Simon de s'excuser. Pour la même raison que d'habitude. Je m'excuse de Tommy. Excellent. 70%. Ah, la toune catastrophe, ouais. Plein de bon sens. On l'aime. Ouais. Vous l'aimez. À mettre bonne humeur. Ouais. Vous avez le droit de commenter la toune. C'est sans bon sens. Vous savez, c'est quoi l'histoire de cette chanson-là? Du tout. J'ai donné une chanson. Et puis, le cousin Tommy s'est pointé. Wow! Merci. C'était quoi ça? Spontané, les gars. Puis là, il y avait son laptop avec une guitare. On s'est dit, on va faire un tour. Puis là, moi, je vais faire le tour. On donnait un crayon, un papier. Le gars, il dit, OK, attendez, j'en viens aux toilettes. Il est revenu des toilettes. La tourne était écrite. Simon, il est bon. Le deuxième coup. Mais ça a un petit côté normal. Oui, c'est possible. Ouais, puis le fait qu'on radote tellement en répétant l'histoire à chaque émission, ça rajoute au... Ben oui, on l'a dit la semaine passée. Mais c'est bien correct comme ça. On a des nouveaux invités à chaque semaine, comme vous l'avez entendu aujourd'hui à 70%. Ça va être Guy Nantel, surtout. On a Sébastien qui va nous amener une chronique sur l'UQAM, la Ligue de hockey de l'UQAM. Simon, toujours avec des nouvelles, qui va mener l'entrevue de main de maître. Et Pascal qui va parler en bas de la ceinture. C'est vrai que tout le corps est hétérogène. Sois donc plus respectueux envers ma science. Puis moi, j'ai des séquences d'Alienator très, très mauvais qu'on vous a pas passé la semaine passée. Et une chronique sur le recyclage. Fait qu'on va écouter Bullet et Frank Black. Ça a été sorti en 2002. On vous revient à 70% juste après. Merci. Oui. Non, on parle pas dans chaud. Oh. I like that. I saw how you did that, Scott. Like, what's his name there? Drummer of 15 Toms there. What's his name? Take my rifles and take my guns. a single bullet loaded in each one. Take my place. Please tell my friends from outer space. I'll take this call from Valhalla. Excuse me, now I've got a call. I got some good friends there. Revolution calls. Take my rifles, take my guns. You take my place because you are my son. Excuse me now, I'll take the sun. I'll take my place in Valhalla. And if the revolution comes, please take my. On la bouait pas avec un petit doigt en l'air. On la bouait pas pour se rafraîchir quand il fait chaud ou pour se réchauffer quand il fait frais. On n'attend pas d'occasion spéciale. Non. On la bouait simplement. Goutte après goutte, verre après verre, caisse après caisse, tout seul, jour après jour, soir après soir. Pas de raison. Hey, c'est mon homme que je recherche, ça? C'est celui qui boit la vraie bière. Ouais, mais c'est de la bonne. On a commencé à faire de la pré-prod. Je pense que notre show va s'améliorer. On va mettre Guy Lafleur en background pour la première partie de l'entrevue menée par Simon Pierre avec Guy Nantel. Absolument. Monsieur Nantel a été humoriste invité dans le cadre de plusieurs émissions de télévision fort populaires. Merci, bonsoir. Juste pour rire, le cabaret de l'humour, le grand rire bleu, croisière en folie, une fois c'est un gars, fais-moi rire, beau et chaud, piment fort, sans limite. On avait Pierre Brassard la semaine passée. Tu recules justement ici. Oui. Dans mes jeunes années. Oui. On va en parler. Et la course Destination au monde, ouais, évidemment. Ben ça, c'était moins humoriste. Moi, j'ai plein de questions là-dessus. Puis aussi l'émission de Marie-France Bazo que je fais à chaque vendredi ce soir. Il va y avoir du sport, avoir en effet. Ouais. Merci, Guy, d'être passé ici ce soir. Très agréable. J'étais justement en train de quitter des 30 sous deux rues à côté. Fait que... Ah ouais? ça me fait plaisir. Avec des amis aux cheveux verts. Ça me fait plaisir. Ouais, on est dans le bon coin pour ça. Justement, t'as gagné la course Destination au monde, 93-94. Mm-hmm. De faire le premier bloc de l'entrevue là-dessus. Je vais te demander... Ben, on va commencer. Premièrement, c'était quoi tes motivations pour aller à la course Destination Monde? C'est normal, j'ai une toune dans les oreilles. Tout oui, c'est en bas. Ça, ça joue comme tout le long de l'entrevue. Oui. OK, c'est pas, je vais enlever mes écouteurs. Non, mais la motivation, c'était le voyage. Honnêtement, c'était de me faire payer un tour du monde sur le bras des contribuables. Ah, ben c'est excellent. Franchement, là, parce que je tenais pas à faire du cinéma, moi. Puis t'es allé où? En Chine, je pense? J'ai fait 23 pays en 6 mois, fait que je te ferai pas la nomenclature au complet, mais je te dirais que je suis passé... Pardon, combien de pays en 6 mois? 23 en 6 mois. Okay. Commencé par l'Europe, je suis descendu par les pays Moyen-Orient, pays arabes, le côte est de l'Afrique, ensuite je suis remonté, j'ai fait le tour de l'Asie au grand complet... pour finir à Madagascar. Madagascar. Fait, je fais ça vite fait, là. Ouais. Les animaux qui parlent. Ah, oh, bon, j'ai pas ton âge, moi, je vois pas ça, c'est comme... Non, c'est mes petits frères. Bien sûr. Fait que si j'ai bien compris, t'as commencé par le Moyen-Orient, c'est ça? Ben, c'était parmi les premiers pays, là, mais okay. C'était pas le début. J'ai fait Croatie, Islande au début aussi. OK. Est-ce que c'est toi qui as choisi ton itinéraire? Oui, oui, on choisit tout dans la course. Ah oui? Tu choisis, écoute, c'est la plus grande liberté qui existe sur la Terre. Là. Tu okay. choisis de quoi tu vas parler, comment tu vas en parler, où est-ce que tu t'en vas dans le monde. Le temps que tu passes à chaque place. Oui, oui, absolument, parce qu'il y en a qui passaient un mois dans un pays. Ah oui? Ouais. Puis moi, je me souviens même d'avoir fait une joke aux gens de Radio-Canada, on leur téléphonait une fois par semaine, tu sais, pour qu'ils gardent contact, ouais, pour pas nous perdre de vue, là. Puis je me souviens que j'étais au Kenya, puis je leur faisais croire pendant toute la conversation que j'étais au Brésil, puis ils ont gobé ça. Ça va pas, ouais. Ah, ils ouais. avaient aucun moyen de savoir. Okay. Oh, c'est du croustillant, ça. Ouais. C'est quoi la seule limite? C'est le budget, dans le fond. Ben, t'as un budget global, puis il faut que tu respectes ça. Dans okay, le fond, tu pars avec... je pense qu'on avait 25 000 piastres de billets, là. C'était une affaire de fou, mais évidemment, on prenait beaucoup d'avions. Puis, on avait 500 $ par semaine à l'époque qui nous mettaient sur une carte de crédit. Ça, c'était okay. pour nos dépenses personnelles. OK. Ce qui est quand même pas mal dans le tiers-monde. Pour voyager, okay. ça va bien. Puis, comment tu choisissais tes sujets? Supposons que tu débarques, je sais pas, mettons, Grozny. À où? À Grozny. C'est où ça? 93, 94, la belle époque. Grozny, Herzégovine. Non, ouais. mais il y a deux façons. Il y a la préparation avant la course. Là. Tu pars avec okay. une banque de sujets en disant okay. si je vais dans tel pays, ben, je sais qu'il y a telle affaire. Okay. Moi, j'avais bien préparé cette banque-là. Puis l'autre affaire, c'est de se laisser aller au gré du voyage, puis de dire ben on verra qu'est-ce qui arrive, okay. Parce qu'il y a une proportion là dans un film qui est aussi sur le voyage que tu fais, tu sais, des choses que tu peux pas okay, trop ouais. prévoir à l'avance. Moi j'ai une question. Ben oui, tu lèves la main comme. Ouais, ben moi c'est la Chine étudiante. Qui m'intéresse là. Ouais, ouais, ben c'est ça, c'est ça que je suis une étudiante. En Chine, ça, la Chine, ah ouais. Je suis allé 5 fois en Chine. Ouais, mais après, c'est quoi leur humour là-bas? Je sais pas si tu peux me répondre là-dessus. Vraiment pas te répondre là-dessus, sauf te dire que j'ai fait un film sur un Canadien, un gars qui s'appelle Mark Roswell, ouais, qui fait de l'humour en Chine, ouais, pis... en mandarin. Sauf que je parle pas mandarin. Oh, okay. J'ai aucune idée de ce qu'il disait au monde. Donc, au niveau de l'humour, ben, c'est pas vrai, là, je le sais quand même, parce que j'ai jasé avec lui. C'est beaucoup ce qu'ils appellent en anglais des tongue twisters, donc des jeux de mots, si on veut, tu sais. Parce qu'il y a des niveaux de langage en mandarin et en cantonais, c'est que tu peux dire, par exemple, 4 fois le même mot, mais si tu ne dis pas de la même ouais. façon, c'est, tu sais, tu peux dire chi puis chi. Ça, ouais. c'est 2 mots complètement différents. Donc, ils jouent beaucoup avec ces niveaux de langage-là, comme on peut faire des vieux jeux de mots ici, là, comme on faisait autrefois au Québec. Ouais. Là, tu sais. Puis l'autre affaire, c'est qu'ils ont un humour aussi bien traditionnel. C'est qu'ils vont un peu comme le burlesque au Québec fonctionner ben, moi, à un moment donné. Moi, je trouve que quand on voit ça à TV, leur humour, ça a l'air assez bizarre. Ben, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des sketchs qu'ils font depuis 100, même 200 ans, là. Puis ouais. ils les refont comme le burlesque. Donc, okay. c'est de le refaire à ta façon à chaque fois. Mais c'est pas... C'est beaucoup plus... Ben, comme toute la société chinoise, c'est beaucoup plus organisé, ouais. strict et rangé que notre façon J'imagine. De faire de l'humour. Ouais. J'aurais de la misère à aller faire carrière en Chine, en dehors de la question de la langue. Ouais. Dis-moi, est-ce que ça t'est arrivé de commettre des impairs culturels? Pendant oui. la course. Ah, ben oui, ça. As-tu des anecdotes pour nous? Quelque chose. Mon Dieu. Oui, il y a plein de choses, mais c'est parce que souvent, c'est plus drôle ou c'est plus cocasse quand tu les vis que quand tu les racontes, mais. Il est arrivé plein de choses. À un moment donné, je me souviens que j'étais en Birmanie, puis il y avait quelqu'un qui était par terre, assis par terre, puis. Le gars, il vendait des espèces de... Là-bas, le bois laqué, là, c'est très populaire. Donc, ils vendent des coffrets en bois laqué. Puis c'est super beau, tu sais. Puis moi, j'étais debout devant lui. Alors, je pointais les affaires qui m'intéressaient, mais avec mon pied, tu sais, pour lui montrer. Je disais, bon, celui-là, celui-là. Puis tu fais jamais ça en Asie. Ouais. Pointer avec ton pied, c'est comme faire un finger en face du gars. Puis okay, à un moment donné, il s'est levé, puis il a commencé à me pousser sans explication. Ah, ouais. Fait que ce genre de choses-là arrivait, c'est sûr, tu sais. Il y a plein de chocs culturels. J'ai un numéro complet que j'ai écrit là-dessus dans mon premier spectacle solo. Donc, j'ai pas ça. Je me souviens qu'à Madagascar, puis ça, je le comptais dans mon show, que je disais que les Québécois, nous autres, on parle français mm-hmm. comme à Madagascar, mais nous autres, on pose nos questions à l'envers souvent, comme ça te tente pas de prendre une petite bière, tu sais, puis okay. on se demande ça dans, au ne pas, tu sais. Fait que j'étais dans un restaurant, puis j'avais dit au serveur, je disais, vous auriez pas du canard, s'il vous plaît, puis il m'avait dit oui, tu sais, mais finalement, il est parti, il a servi toutes les autres, puis au bout d'une demi-heure, je dis, mais coudonc mon canard, mais il dit, vous m'avez demandé s'il n'y en avait pas, alors moi, je vous ai dit oui, mais c'est oui, il n'y en a pas. Ce genre d'affaire-là, c'est mille fois là, que ça arrive en voyage. Tommy nous fait de très, très, très grands signes. Il y a quelque chose à dire? Vas-y, ouais, en fait, moi, je me demandais, M. Nantel, est-ce que vous avez porté le veston jaune ou bleu de Sans Limite? Ah, très bonne question. Malheureusement, le jaune. C'est très drôle comme question. C'est quoi ça veut dire, ça? Ben, c'est parce que le veston bleu, ceux qui portaient les bleus poudres, finalement, c'était la première génération. Puis, à un moment donné, je ne sais plus trop si c'est eux qui étaient partis ou ils avaient été mis à la porte ou je ne sais pas quoi. Ils ne s'entendaient plus sur les contrats. OK, ouais, ouais. Puis, TQS leur avait carrément dit, écoutez, allez-vous-en. Nous autres, on garde pareil l'émission Sans Limite, puis on va engager d'autres comédiens. Puis, c'était pathétique, hein, franchement. On est arrivé là. Moi, j'avais 19 ans, donc ils nous ont mis des vestons jaunes. Je connaissais même pas le monde avec qui je travaillais, tandis qu'eux autres, c'était quand même des gars qui s'étaient un peu plus ouais, choisis. C'est ça. Fait que ça a duré quelques mois, puis c'était pas très bon, la version des jaunes. C'était meilleur les bleus. Mais ouais. J'étais dans les jaunes. Non, non, il faut dire les choses telles ouais. que c'est. Tu sais, les débuts de carrière, souvent, veux pas, t'es moins connu, tu prends les miettes, tu prends les restants, t'es pas à l'aise, t'es moins bon parce que t'as moins travaillé déjà. Fait que c'est un espèce de cercle qui fait qu'à un moment donné, ben... Des fois, tu peux t'enliser dans un projet, puis tu dis, bon, ben au moins, ça me fait, tu sais, ma face à ta TV, donc c'est bon pour ma carrière. Mais, je me fais voir. Ben c'est oui, ce qu'il mais faut. Des fois, tu te fais voir de la mauvaise façon, ouais. puis ça te recule de quelques années ensuite. Tu te fais voir de la mauvaise façon, c'est très bien dit. Ça. On vient d'entendre Guy Lafleur lui-même qui chante en anglais, ben qui parle, en fait, qui nous explique comment compter un but. On va laisser ça de côté un petit peu, le temps d'écouter Frank Zappa nous faire sa version de Ring of Fire, puis on va vous revenir avec encore de la pré-prod, et puis Guy Nantel en entrevue. A burning flame. That's right. And it leaves a fiery ring. It's a fiery ring. I was captured by pure desire. That's right. I fell into a ring of fire. Ow, ow, ow. I fell into a burning ring of fire. I fell down. It's the same verse again. It's one way of learning English. I was captured by pure desire. Pure desire. I fell into that burning ring of fire. Ow, ow, ow. I fell into that burning ring of fire. Johnny, you'll never know what it is. Après une dure semaine au bureau, j'aime bien inviter des amis à la maison pour partager un repas. Malheureusement, il y a le cancer du sein. C'est pour cette raison que j'achète le riz Uncle Ben's. Le riz Uncle Ben's. Il est gauche. Il est gauche. Que il est gauche. Bon riz. Pas assez vite, ouais. Cette semaine, ouais, j'ai pas de goût. Je suis pas un fabricant. Bonjour. Oui, on est de retour en onde. Oui, on parlait de hockey. Oui, ben c'est parfait. Guy me disait comme quoi c'est un ancien ailier gauche quand il était jeune et que c'était un scoreur né. Ben le né. Non, non, j'ai surtout dit que j'étais pas un fabricant de jeux, mais beaucoup plus un potter, comme on dit dans le langage, dans le jargon du métier. Ça tombe bien, parce que c'est justement ça qu'on recherche en ce moment dans mon équipe, la Ligue des Mères. On a besoin d'un scoreur. Mais on joue au Hockey Kazam le jeudi entre humoristes, justement, là, nous autres. Ouais. T'es sérieux? Puis, parce que nous, on a notre ligue à l'UQAM le jeudi, dont on va parler tantôt. Okay. Là, c'est là que ça se passe. Le soir, ouais. Seb, je te dis ça de même. C'est à quelle heure, plus proche de ton micro, essaie de garder un ou deux pouces entre ton micro puis ta bouche. C'est mieux. Mais lèche-le pas. C'est mieux. Non, j'ai pas le droit. Guy, c'est lequel le meilleur humoriste hockeyeur? Mon Dieu, on joue pas contre tout le monde, mais... J'aurais tendance à dire modestement que je donne pas ma place. Oh! Non, sérieusement, mon Dieu, Stéphane Fallu me fait rire. Et, ben, c'est pas sérieux notre affaire, fait qu'on on déconne plus que d'autres choses, mais on joue quand même au Hockey Cosum. Mm-hmm. On joue une vraie partie, mais notre objectif est vraiment, tu sais, on a tout... 30-40 ans, puis 25 livres en trop, fait que pas question qu'on se donne à 100% là-dedans. Là. Okay. Mais non, de toute façon, tu es à 70% ici. Exactement. Mais parlons de 70%, puis si j'ai 31 ans, est-ce que je pourrais remplacer une fois dans votre ligue de hockey Cosum? J'aimerais ça. Oui, certainement que tu pourrais. C'est pas une question d'âge. Faudrait que tu prennes un peu de poids. Il y a quand même de l'humour. Ça peut se faire très ouais, bien. Il faut faire quelques blagues de temps en temps aussi. Oui, ce que t'es pas arrivé à faire depuis que je suis arrivé. Je commence à me demander si t'as ta place là-dedans. Moi, je pourrais t'y aller. Il est fâché, il parle plus gars. Je pourrais t'y aller, moi. Ouais, donc, Tom. Moi, je peux t'y aller. Non, les techniciens, on parle pas assez en dehors des shows. Oh, boy. Hey, tu parles à l'animateur de l'année 2005. L'animateur, écoute, tu joues avec les pitons, là. Prends-toi pas des titres que t'as pas. Ça paraît qu'il a pas écouté beaucoup d'émissions, lui. Ouais, j'ai pas hâte de voir quand tu vas être mon cas. Non, on m'a dit, laisse-toi aller, déconne, c'est jeune, tout ça. Tu fais trois jokes, on voit la nouvelle génération de politically correct que vous êtes. Ouais, c'est ça. Ouais, je fais une joke sur moi. Maître Guy. Oui, Master. Jedi. Master. Jedi. Je me demande, est-ce que tu joues à Magic? Je sais même pas c'est quoi. Yeah! Pourquoi t'es contente? Parce que tu... Parce qu'enfin, quelqu'un qui sait pas c'est quoi, puis que... Pardon, j'aime... Oh, sais-tu ce qui va être la petite musique stressante qu'on entend? Non, c'est Mega Man 2, en fait. Ça, c'est la toune de Quickman. Ben ouais, c'est bon, ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent « Ah, l'entrevue, c'est pas trop intéressant, mais je vais rester pour la toune. » Peut-être. Ouais, c'est ça. Ben, je propose qu'on poursuive avec l'entrevue. Guy, t'es allé, je crois que c'est plutôt cette année, à Nantes. Ouais. C'est ça? Ouais. Et puis à Bordeaux aussi? Ben, on a fait 6 villes en 6 soirs. Fait qu'on s'est promené tout ça dans la région de la Loire. OK. Alors, c'est une question, c'est une entrevue France maintenant. France. Je vais te demander, est-ce que les Français ont kiffé à Donf? Faudrait-tu leur dire ça dans une langue plus compréhensible? Est-ce qu'ils ont trippé? Ben, le premier soir, là, honnêtement, on s'est planté bien comme il faut. Puis les 5 soirs après, là, ça a vraiment bien été. C'est ça, vous avez pris plus un ton québécois? Exactement. Le premier soir, on a essayé d'être trop français. On s'excusait quasiment d'exister. Puis on se disait, ah, tu sais, quand tu parles au public, puis tu dis, ah ouais, là, j'ouvre la porte. Ben, vous dites ça, ouvrir la porte chez vous. Puis on était tout le temps en train de se justifier. Ça faisait qu'on... Tu sais, imagine-toi un chanteur qui est aujourd'hui, jour de l'an. Fêtez-vous ça le jour de l'an? Oui, OK. Puis à un moment donné, il n'y a plus de chansons. Fait que c'est pareil pour un numéro d'humour. Fait que le deuxième soir, on s'est dit de la merde. Ils sont venus voir des humoristes québécois. Ben, on leur fait un show en québécois, en respectant le fait qu'on faisait pas exprès non plus. Quoique, j'ai vu Christopher Williams qui, lui, faisait exprès pour être le plus québécois que québécois. Puis il y a eu un grand succès là-bas aussi. Donc, c'est ça. 5/6, je te dirais, qui ont bien fonctionné. Excellent, ça. Mais juste pour conclure ça, oui. Je me souviens de réactions. Tu sais, parce qu'ils sont bien fans, les Français. Hein? Mm-hmm. Puis, quand tu fais quand même 18 ans, là, je fais ce métier-là, j'ai vu, entre autres, à Le Mans, dans la ville de Le Mans, les gens debout, là, les lumières du théâtre étaient allumées, la musique du théâtre était partie là, pour dire au monde c'est fini, il n'y a plus de show. Là. Puis les gens encore debout, là, nous autres, on est dans les loges. Comme on voit des fois, là, je ne veux pas comparer ça à ça, mais Jacques Brel, là, tu sais, sa tournée d'adieu, je ne sais pas si j'ai vu ça, il était déjà en char, il était parti de l'Olympia, puis les gens étaient debout encore. Oh, puis là, tu as l'annonceur qui vient dire « Mesdames et messieurs, Monsieur Brel a quitté depuis quelques minutes déjà. » Les gens sont encore debout, puis ils font « Ah oui, c'est... » Donc, quand ils aiment, ils aiment, là, tu sais, mais quand ils n'aiment pas, ils aiment pas. Nous autres, ils nous avaient dit, vous allez voir, les Français, ça se lève pas, ça réagit pas. Ben, les cinq derniers soirs, ils étaient debout, puis ils étaient réagit. Très contents. Ouais. Alors, si je comprends bien, ils ont trouvé que le spectacle était top cool et que c'était un truc de ouf. Ça, je comprends pas ce langage de jeune. T'as pas eu l'occasion de français, mais... T'as pas eu l'occasion d'apprendre un petit peu de verlan lors du séjour en France? Absolument pas, ça m'intéresse pas pendant tout, leur langue de français. Moi, je parle le français québécois. Et non, je te dis ça parce que, tu sais, souvent, les Français viennent jouer ici, là, les humoristes français, puis ils changent pas un mot, puis ils nous parlent même en francs, puis en euros, là, tu sais, ils sont sur la scène. Puis, ouais, je suis allé au restaurant, et puis le mec m'a chargé 3 francs, mais... Ouais. Puis en centimètres, puis en kilos. Fait que nous autres, on était là, puis on cherchait tout à adapter, puis tout ça. Fait que je me disais, ben, il faut être fier aussi de notre culture. Puis en même temps, tu sais, c'est... Ben, j'étais pas tout seul, hein. Il y avait Louis-José Hood, Julie Caron, Steve Damon. C'est qui, elle, Julie Caron, déjà? Julie Caron, ben, c'est qui elle, c'est une fille qui fait de l'humour. Non, mais t'as pas. Qu'est-ce qu'elle fait, mon Dieu? Elle fait un numéro sur le golf qu'on a vu beaucoup. Elle parle souvent de son chum. Oui, je me rappelle. Cheveux noirs, puis un petit regard vif. Un petit côté Shania Twain, un petit peu, dans le style. Mais Tom, Tom, toi, est-ce que tu trouves ça winner, une fille qui te parle de son chum? Le moins souvent possible. Quand t'es célibataire, là, t'aimerais mieux qu'elle n'aille pas. C'est pas en dirigeant à Madame Caron en particulier. Non, pas du tout. En humour, il y a plein de choses qu'on dit qui sont pas tout à fait exactes non plus, tu sais. Comme bonsoir, cher public, je vous aime, mettons. Des fois, c'est sûr que tu les aimes pas pantoute. Une question. Ben, allez-y. Comme ça, finalement, ils ont décidé de faire un groupe avec vous autres? Non, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que l'année prochaine, on retourne, Louis-José et moi, à Nantes. En fait, c'est les Français, c'est les producteurs français qui ont vu le show, qui décident un peu de ça. Puis ils vont faire venir, je crois, là, sous toute réserve, on va être Louis-José, moi, Martin Matt, Claudine Mercier, Laurent Paquin... L'artillerie lourde. Je sais pas, c'est Martin Petit. Je crois que c'est pas mal ça. C'est comme le Dream Team. Non, mais je te dirais que... C'est comme si on mettait Céline Dion, Garou et Isabelle Boulay ensemble qu'on les envoyait en France. Ça marche en France, les chanteurs québécois. Je vois pas pourquoi les humoristes marcheraient pas. Mais sérieusement, c'est que... Il y a beaucoup de demandes pour les Québécois parce que je pense qu'ils nous trouvent vraiment sympathiques. Puis en plus de ça, ils savent qu'il y a une culture humoristique très forte au Québec. En France, c'est pas si fort que ça. Il y a des humoristes, mais je veux dire, c'est pas la tradition comme on a ici chez nous. Fait que sont intéressés à voir ça. Puis juste pour eux, ben, ils ont les moyens de faire venir des bons humoristes québécois, je pense. Ok, tu dis qu'il y a eu des adaptations qu'on a dû faire au niveau du vocabulaire dans les spectacles en France. Est-ce que c'était le cas? Oui, il y en avait. Mon Dieu, tu me demandes ça là. On the fly. J'ai pas souvenir, franchement, là, je sais pas, je veux pas te le dire, ça me revient pas parce que, tu sais, là, on écrit tellement d'affaires. À chaque semaine, j'ai des nouveaux numéros. Il va y avoir du sport, j'ai mon one-man show qui roule, j'ai la version pour les Français, tout ça, que quand je suis pas dedans, j'ai pas de problème. j'ai pas de problème. Ça, mais je me souviens que Louis-José faisait un numéro avec des gogounes à un moment donné, là, il parle des pieds, puis des gogounes, puis les gogounes, je me souviens que ça n'avait pas trop passé. Non, en France, on appelle ça des tongs. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. C'est alors, ça, c'est comme la toune de R&B. Fait que tu vois... Let me think that tongue. Tu sais, ça, c'est un bikini, mais pour des Français, c'est des gogounes. Fait que c'est comme, let me see that tongue. Alors, ça en fait un, c'était pas à moi, mais ça, c'était Louis-José qui faisait cette petite adaptation-là. Pour ton information, Cisco. Tommy nous fait des... Ouais, excuse-moi, Sab. Cisco. Tang. Ouais, Cisco. Cisco, Tang. Ouais. C'est Cisco, le chanteur. Ouais. Ah oui, ah oui, oui, oui. Merci, Seb. Je ne parle pas souvent, mais... Il ne parle pas souvent, mais quand il parle, ça devient précis. Peut-être qu'on va offrir à la gang... je mettrais soit KLF, Glass Tiger ou Desireless. Desireless, c'est la seule réponse que j'ai. On va écouter à 70%. Desireless et Voyage. Très viril. Ah, pas ça, ok, je connais ça. Tu vois, ça, voyage, tu vois les testicules vont te remonter, mon gars. Quand j'avais votre âge. We'll be right back. toi, Bob. Et la partie continue de Game Must Go On. La fleur sur le jeu de puissance. Flower Power. Il donne son 100%. He gives the blood for blood. Durant ce temps, Corson ronge son frein. Meanwhile, Corson is eating the break. La fleur. Flower. La fleur est seule. Flower is alone. Il passe à Urkus. Pass to Urkus. Urkus. Urkus. Pour lui-même. For himself. Et voici la sirène in ears the six deer. De retour après la pause. See you after the connect. Pensiez qu'ils étaient disparus, mais devinez qui est de retour. Non, pas les... Oui, les Nordiques de Québec sont de retour. Jeudi 4 octobre. Ils seront de retour avec leur série de défaites pour empoisonner vos soirées d'hiver. Oui, seulement 28$ dans les loges. Arrêtez, je peux... Allez, dépêchez-vous. Les Nordiques de Québec sont de retour jusqu'au 31 mars seulement. Bien sûr, c'était des blagues. Ce n'est qu'un beau rêve, le retour des Nordiques. Ça va peut-être arriver un jour, mais pour l'instant, pour se consoler, parler hockey un petit peu, penser à d'autres choses, Simon, tu vas nous présenter notre nouvel collaborateur qui connaît Cisco. Absolument. Ben, avant, tout juste avant pour introduire Guy, c'est que à l'époque, quand tu étais à la course Destination Monde, je me rappelle pas de mémoire un seul des reportages que tu as fait, mais je me rappelle très bien quand tu parlais avec les animatrices, puis que tu faisais le joueur d'hockey avec la serviette sur tes épaules, puis que tu imitais ça. C'est pour ça qu'on y va avec une thématique hockeyenne aujourd'hui. Parfait. Absolument. C'était un animateur, Pierre Terrier. Non, il y avait une fille qui était... Ah, c'était peut-être une juge. Ah, ça se qui était là de façon ponctuelle, c'est possible, mais j'étais une dame, en tout cas. Elle avait un gros sourire. Puis ouais. Son bon beau sketch en passant. Ça me rappelle les belles années d'RBO à Cécois. Ouais. Mais il y en a qui sont à nous, mais il y en a d'autres qui viennent, qu'on a pris à la jungle ou des choses comme ça. Mais on a un chroniqueur avec nous qui va nous parler de hockey. De hockey universitaire à l'UQAM, parce qu'on est à Choc FM. Sébastien, bonjour. Effectivement. D'ailleurs, je tiens à souligner que je suis fier d'être parmi vous ce soir, ma première fois. Oui. Peut-être pas la dernière, je l'espère. On va en parler après. Garde ta bouche plus proche du micro. Ça, c'est le plus important. Ouais, mais c'est parce qu'elle m'a dit de ne pas le licher. Genre. Le plaisir et la souffrance. Ouais, c'est une petite con. Mais tout ça pour dire que le hockey est revenu à l'UQAM. On a commencé en force. Une semaine de qualification. Moi, personnellement, j'avais rien compris. On m'a expliqué. Il y a 24 équipes dans la ligue participantes. Il y avait 17 équipes qui sont venues de l'année précédente, donc qui se sont fiées sur les résultats de l'année précédente. Mm-hmm. Ce qui veut dire, c'est que si jamais tu étais dans les 6 premiers, tu étais qualifié directement dans le A. Si jamais tu étais dans les 7... 7 à 12. Les 7 qui se sont ajoutés, tu commençais directement à la fin. OK. Tes qualifications, tu les faisais contre les équipes de C et D. Fait que là, ce que tu me dis, c'est qu'il y a 4 divisions. Il y a 4 divisions. Qui font 24 équipes en effectivement, tout. Effectivement, 4 divisions de 6 équipes. Okay. D'ailleurs, toi et moi, on se retrouve dans cette ligue, dans le A. Oui. Sans le préciser, dans le A. Wow. Est-ce que c'est la meilleure des 4? Alors, on vient, on ne sait plus si c'est bon ça, ou pas à t'écouter parler. Ouais. Non, en fait, tu commences dans le C, tu finis dans le D. Dans le A, on est fraîchier. Dans le D, ils n'ont aucune. En tout cas, dans le fond, ils n'ont aucune. Expérience. Ils jouent. Comme les humoristes. À peu près. Ouais. Je pense que tu serais du D. Ouais. Double D. Double D. Il y en a qui fêteraient dans le double Moi, D. Moi, j'aime bien le double D. 36, 38. Ouais. Non, c'est bien ça. Ça pend. C'était laborieux, mettons. D'ailleurs, c'est à peu près comme les qualités de jeu de Canadiens de Montréal. Assez laborieux, je trouve, personnellement. Je trouve pas qu'ils sont excitants, mais qu'on bien inutiles. Hey, arrêtez de vous plaindre. Ils ont 5 points pour 6 ouais. De max. Fais juste checker à peu près la qualité de jeu. Une période, la deuxième, ça craint. Excusez-moi l'expression. Troisième. Il s'excuse. Tu peux pas avoir 20 ans. Merci. Mais ils jouent du hockey. Je parle pas du Canadien, mais la Ligue nationale aujourd'hui, ils jouent du hockey de politiciens. Toutes les games, t'écoutes les scores aux nouvelles, ça finit tout par un but. Dans le temps, là, ils plantaient 7 à 1 puis il n'y avait pas de pitié, mais à cette heure, ils essayent de protéger leur avance. Oui. Là, ils mènent par 3 buts, tu sais que l'autre équipe va faire les 2 prochains buts. Mais les punitions, ça finit égal, les scores, ça finit égal, puis ça finit hier, je pense qu'il y a eu 3 games sur 5 en tir de barrage. Ben, oui, c'est vrai, d'un sens, mais c'est surtout vrai dans les 10 dernières années, parce que ce qu'ils ont fait, c'est une expansion dans le sud des États-Unis, dans des marchés qui sont pas naturels pour le hockey, puis pour que ça... Excuse-moi, Sébastien, vas-y. C'est que pour que ça marche, pour qu'ils puissent vendre du hockey, il fallait que les scores soient serrés. Parce que là-bas, ils écoutent une équipe si elle gagne. Sinon, ils regardent pas ça, ils ont pas la passion de... C'est pas comme à Québec, ou même si c'est la saison, même s'ils sont poches, ils écoutent pareil. Ce qui fait qu'ils ont dit aux arbitres, ben, on va légaliser l'accrochage puis l'écœurage puis ces affaires-là. Comme ça, on va avoir des power play puis ça va faire des games serrées. Les gens, ils scorent pas. Oui, mais ce que je te dis, c'est que si le Canadien prend les devants par 3 buts, là, mm-hmm. pour moi, c'est une mauvaise nouvelle parce que tu sais que dans les 2 prochaines périodes, ils vont jouer dans leur territoire. Ouais. Ils vont juste essayer de protéger l'avance. Parce que quand on était plus jeune, là, moi, je me souviens du hockey du temps de Guy Lafleur, justement, mm-hmm. là, quand tu faisais des disques. Puis c'était une équipe offensive, puis ils menaient 4-1. Ils cherchaient à faire un 5e but. Aujourd'hui, tout est tellement informatisé, ouais. puis étudié, puis analysé, ouais, qu'on cherche juste à faire de la stratégie, puis de protéger des autres. Ça, c'est il du moins plus beau. Mais là, excuse-moi, je suis en train de... C'est vrai dans un sens, mais moi, où je veux en venir, c'est que c'est moins vrai dans la Ligue nationale actuelle. Qu'est-ce qui est moins vrai? Le lockout, bien sûr. Non, mais je te parle pas d'accrochage. Moi, ce que je te dis, c'est que 90% mm-hmm. des games finissent par un but. Ouais. Mais pourtant, on menait 4-2 contre Buffalo à la game d'ouverture, puis on a perdu au tir de barrage. Ouais. Tu vois? C'est sa crainte, ça. Du 2-3 buts d'avance canadien, ça. Ouais, mais non, mais t'as vu, il se fait toujours comme ça. C'est en arrière. Ouais. Il passe la ligne rouge, dombe dans le fond. On va chercher la rondelle une fois de temps en temps. Pas trop de pression parce qu'ils vont se faire revenir. Puis on dirait qu'il y a trop de conscience de l'avance que t'as. Faudrait qu'il soit inconscient puis qu'il joue toujours comme si c'était 0-0. Peu importe que tu mènes par 10 buts. Fait que ce que je retiens beaucoup de ce qu'on est en train de dire, c'est que dans le fond, l'équipe de hockey Cossum à l'UQAM, il y a 4 sections A, B, C, D. Il y a 24 équipes. Puis toi, à chaque semaine, tu vas venir nous parler de ça. Oui, effectivement. D'ailleurs, je tiens à vous annoncer. C'est ça que t'as retenu de ce qu'on vient de dire. C'est merveilleux. Beau retour au sujet d'ailleurs. Mais tout ça pour dire, les 6 équipes par division, la semaine prochaine, reclassement. Ce qui veut dire, c'est que la première équipe du B monte dans le A, dernière du A descend dans le B, ainsi va de suite jusque dans le D. Le D, évidemment, descend pas dans le A. Ça serait totalement stupide. Mais la semaine prochaine, reclassement. Donc, pour équilibrer un peu les niveaux ou donner une chance aux équipes du A qui se sont fait planter toute l'année, comme nous autres, de pouvoir gagner une coupe de game dans le B. Tu vois que ça valait la peine d'être dans le A. Hein, ouais, c'est... Ben oui, mais... Vous avez gagné combien, là? Une. C'est comme le soccer en France que vous faites, finalement. Ouais, exactement. Première division, ouais, exactement. Puis deuxième division. Puis ouais. Les matchs à surveiller, les équipes à surveiller, Sébastien? Ben, en fait, les équipes, dans le A en particulier, ben il y a ton équipe, parce que t'es talentueux, manque de cœur par contre. C'est comme les Canadiens. Il y a un peu de talent, mais en tout cas, ça travaille pas fort. Comment s'appelle cette équipe? Les Expos. Tu trouves que les Expos manquent de cœur? Disons que quand ils arrivent à la 5e manche, ça fait dur. Ah, Simon. Mais sans cela, sinon, je dirais que... Ah, on censurera pas notre nouveau chroniqueur. Sinon. Non, c'est vrai, il a raison, là, mais bon, c'est vrai, il a raison. Il y a du talent individuel. Donc, tout ça pour dire que la semaine prochaine, à surveiller, si vous avez la chance, allez faire un tour au gymnase, c'est pas trop de spectateurs, mais infiltrez-vous quand même. À 5h20, c'est les équipes du A, les tibias enflés contre les Maurice. Les tibias enflés. Les tibias enflés, oui, c'est... contre les Maurice. C'est assez intense comme nom d'équipe. Mais ça, c'est parce que vous avez pas vu les deuxièmes. Les Ramoneurs contre les Wasted Worms à 6h40. C'est un match à surveiller? Un match à surveiller, c'est dans le but, parce que il y a deux matchs à 6h40, il y a les bleus et les pneus également. Ces deux-là, il y a 3 des 4 équipes qui se battent pour monter dans le off. OK. C'est de plus en plus. 3 des 4 équipes. Moi, honnêtement, j'ai l'impression d'être un petit peu sur une autre planète. Okay. Finalement, il y a des équipes dans le B qui vont se battre pour, s'ils gagnent à ça, ils vont pouvoir monter dans le A pour prendre la place à des équipes du A qui n'arrêtent pas de perdre. Effectivement, ils vont perdre également, mais c'est pas grave. Il faut toujours un figurant dans une catégorie. Ben, ça prend des perdants si on veut gagner. Ben, c'est ça, je me suis dit, moi aussi. C'est tellement philosophique. Donc, en passant, je lance une invitation officielle. Guy, on cherche un scoreur. Oui. Samedi, jeudi soir, on joue à 5h20. Ben oui, nous autres, on joue les après-midi, les humoristes, parce qu'on a des shows les soirs. Ben c'est correct, on va avoir un petit réchauffement, pas besoin d'arriver. C'est trop vrai, hein, je serais déjà tout en forme. Mais non, je pense que je vais plutôt m'en aller vers la retraite tranquillement, pas vite. Là. Ah, il va raccrocher ses patins. Mes running shoes. Simon a 31 ans, puis il joue encore. Okay, oh ouais, mais tu vois qu'il a un beau petit body, lui-là, là, tu vois qu'il. Parce que tu l'as pas vu sans son gilet. Il entretient bien ça, lui-là. Pas vrai, je t'aime, Simon. Une petite question avant d'aller écouter une autre tune. Ben, en fait, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est la première fois de ma carrière que j'ai eu une entrevue, puis que les deux blocs sont comme séparés par une chronique Hockey Cosum. Ouais, on a tous les jours des nouvelles. Oui. Avant, l'émission s'appelait La Cour à Scrap, c'était trop varié. Ça venait de tout partout. Mais dis-moi, je vais te demander, Guy Lafleur, c'est ton préféré? Oui. Okay. Guy Lafleur, ben, j'ai eu deux idoles dans le hockey, ça a été Lafleur, puis ensuite Wayne Gretzky. Wayne, ça a été plus mon idole d'adolescence, là, tandis que Guy Lafleur, c'était quand j'étais petit gars, je voulais devenir Tiggy Lafleur. Puis j'ai un numéro dans mon show sur Tiggy Lafleur. Oui, justement, j'ai une question sur ton numéro sur Guy Lafleur dans ton show. Mais je vais te demander, c'est qui fait une première scoreur de la Ligue cette année? C'est bien difficile parce que je fais partie d'un pool, moi. Puis franchement, je voulais pas avoir le premier choix parce que ça, je trouve que ça aurait été difficile entre. Je dirais que c'est un des deux jeunes, là. Ovechkin ou Crosby, d'après moi, ça va être un de ces deux-là. Tu penses Thornton? Ben, peut-être 3, 4e, mais je pense que comme premier, là, il y a une nouvelle génération qui s'en vient cette année. Ouais, hier, Crosby, d'ailleurs, un but, 3 passes, 4 points. Ouais, il va se réveiller tranquillement. Puis si la tendresse était sur notre premier trio, il leur pousserait dans les fesses. C'est vrai que. Non, là, c'est un peu exagéré. mais mine de rien, je trouve ça quand même ridicule de garder un gars qui devrait jouer dans le junior, dans la Ligue nationale, pour le faire jouer 1 minute et demie par période. Je trouve que c'est les amateurs de sport, bonsoir. C'est ridicule. Hein, ça n'a pas de bon sens. Si tu fais jouer le gars dans la Ligue nationale quand il a 19 ans, c'est parce que c'est un surdoué. Puis avec n'importe quelle équipe de la Ligue, il le mettrait sur un des deux premiers trios, puis à Montréal, c'est peut-être vers 29 ans qu'ils vont lui donner sa chance. C'est triste. Ouais, c'est vrai qu'on a cette impression-là. Tommy! Excuse-moi. Oui. En fait, je voulais juste dire, comme Patrice Brisebois, qui est resté jeune recrue jusqu'à 27 ans, 28 ans. Puis qui a connu sa meilleure saison l'an passé à Colorado. Voilà. Donc, vu qu'on a écouté des affaires assez guimauves, on vient d'avoir Enya et Storms in Africa en background, on va écouter Tom Waits, God's Away on Business. Ça dure 3 minutes, puis on vous revient à 70% pour la dernière partie de l'entrevue avec notre invité magique, Maître Master Guy Guy Nantel. DJ Nantel. DJ Nantel. I'd sell your heart to the junk man, baby, for a buck. For a buck. If you're looking for someone to pull you out of that ditch, you're out of luck. You're out of luck. Ship is sinking. The ship is sinking. The ship is sinking. There's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Who are the ones that we kept in charge? Killers, thieves, and warriors. God's away, God's away, God's away on business, business. God's away. The shovel and the pick, it's a job, it's a job. Money mood rising with the plague and the front. Turn the mob, turn the mob. It's all over, it's all over, it's all over. And there's a leak in the boiler room. The poor, the lame, the blind. Candy, comme dans tous les pays. On s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir un beau cul, amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine, tous les soirs en s'endormant, que le petit prince des collines lui vienne dans le palais. D'entendre Tom Waits et God's a Win Business. Tom Waits qui a toujours son style bien particulier à lui-même, suivi par de la Candy pré-prod. Candy qui s'est fait venir dans le palais. Oui, oui, de la pré-prod de 70%. Donc, on est de retour pour la dernière partie de l'entrevue avec Maître Guy Nantel. Est-ce que c'est moi finalement qui lui pas? Vas-y, Simon, t'es déjà chargé. Oui, Maître Nantel. OK, tu dis que t'as appris à la dure dans ta carrière d'humoriste. Quand tu faisais, par exemple, quand tu faisais un numéro dans des bars de danseuses, il t'arrivait souvent que des clients te crient de décalisser. Là, j'ai pas fait ça mille fois, des shows d'un bar de danseuses, mais c'est déjà arrivé que c'était à Shawinigan qui faisait ça. C'est-à-dire que c'est un bar ordinaire où il faisait venir des danseuses après les shows d'humour. Mais il devait avoir c'est venu à un moment donné que le public qui était là, tout ce qu'il voulait voir, c'était les danseuses. Fait que quand toi t'es là comme un niaiseux, puis que t'entends juste des. Monsieur Mike Ward s'était fait lancer une chaise sur le stage. C'est pas rien, des batailles. C'est une chaise. À Trois-Rivières, Louis-José Hood, qui s'était fait courir après par un client aussi pour des... Ah, il en parle dans un de ses shows, hein? Ouais, je pense qu'il l'a raconté. Écoute, dans les bars, là, tu vois de tout. Puis on dirait que plus tu t'éloignes des grands centres, plus tu vois de tout. Et de tout, là, c'est... Le vrai multiculturalisme, c'est... Ouais, effectivement, bon point. C'est pas à Montréal que tu le vois, c'est en région... ça peut aller de bataille à tomber sans connaissance sur le stage parce que t'es trop sous, des motards qui te font signe, qui te coupent la gorge parce qu'ils n'aiment pas une joke que tu fais. Ça doit encourager. Je les ai pas notés, mais y en a et y en a d'autres. Ouais, je crois que c'est ce qu'on appelle apprendre à la dure. Ouais, c'est la bonne école. Ouais. Pascal. Ouais, elle te dit que l'époque actuelle qui se vante de briser les vieux tabous en crée constamment de nouveaux. Ça serait quoi nos tabous maintenant? J'ai dit ça, moi. Oui, tu dis ça. C'est dans ton dossier de presse, oui, en effet. Je savais pas que j'avais dit ça, mais. Sans nécessairement parler des nouveaux tabous, je trouve que on s'attaque pas nécessairement. On glorifie souvent des humoristes qui vont de. On va les cataloguer de courageux parce qu'ils vont faire une joke sur les politiciens, par exemple. Mais c'est pas très courageux une joke sur les politiciens. Puis j'en fais là, moi. J'en fais beaucoup. Mais je veux dire, c'est pas là que le courage se situe dans un show, tu sais. Parce que c'est trop facile, on n'est pas en Iran, là. Là, c'est plus risqué, là, de faire des jokes sur le président du pays, tu comprends? Mais ici, tu fais des jokes sur Charest, franchement, c'est pas très risqué. Pas mais bien grave. Faire des jokes, par exemple, je fais des blagues, moi, sur les jeux pour handicapés dans mon show, tu sais. Et je dis haut et fort que ça n'a pas sa place aux Olympiques, quelqu'un en chaise roulante. Mais ça, c'est très drôle parce que les lignes sont bonnes. Puis au début, je sens le malaise, là. Je sens carrément les gens qui font comme. Où c'est qu'il est en train de nous amener là, ça allait bien là, puis donc c'est pour moi ça c'est le genre d'exemple que tu dis bon ça c'est pas un sujet qui va de soi, c'est pas un sujet facile là, puis si tu réussis à ramener le monde de ton côté à la fin, c'est que tu as réussi à faire ta job. Ben oui, parce que quand tu commences à parler d'un sujet, peu importe le sujet, si tu sens le malaise dans la place là. Ouais. Pis puis que tu réussis après quelques minutes à avoir des applaudissements puis des rires, c'est ça ta motivation dans le fond, tu veux ramener c'est le monde. C'est une des motivations de faire de l'humour, c'est de la de la provocation. Et provoquer pour ensuite qu'ils t'applaudissent. Ben non, mais c'est parce que si tu t'attaques qu'à des sujets facilement attaquables, ton rôle c'est juste de faire des jokes, mais moi j'essaie aussi d'avoir d'autres palettes d'émotions. Il y a personne qui admire le gars qui tape dans celui qui est à terre déjà aussi. Ben il y a ça aussi, puis je te dirais que c'est intéressant de voir un humoriste qui va arriver puis qui va dire bon, on va parler de l'intégrisme ici au Québec là. Wow, là tu sens que attends un peu là, qu'est-ce qu'il peut y avoir de comique là-dedans, mais bon, tu sais c'est. Mais est-ce que tu penses qu'un gars comme Dieudonné parle des vraies affaires? Oui. Oui. Dieudonné, je vais te dire une chose. Moi, j'ai vu deux de ses shows, puis honnêtement, j'ai même vu Dieudonné au Théâtre Saint-Denis se faire crier par des gens qui étaient dans la salle. J'ai su ensuite que c'était des Français de religion juive qui lui criaient au Théâtre Saint-Denis, là, « Va te faire foutre, enfant de pute !» et tout ça, là, dans un gala juste pour rire, tu sais. Et que le gars reste les deux pieds sur la scène, qui regarde dans les yeux les spectateurs, qui fasse « Moi, j'ai un numéro d'humour à faire et je vais continuer à le faire. » Puis qu'à la fin, là, il y a un standing ovation parce que les gens l'ont trouvé bon puis drôle. Là. Ça, c'est ça, le courage, tu sais. Mm-hmm. C'est là que ça se joue pour moi, là, qu'il y ait un élément où tu marches un peu sur un fil de fer. C'est pas obligé d'être sur les religions, là, ça peut être sur n'importe quoi. Mm-hmm. Mais tu sais que lui, s'était présenté à présidentiel 2007 en France. Ouais. Il s'est retiré, finalement. Ben oui, bof. Les sondages lui donnaient de 8 à 10 % des intentions de vote. Il aurait peut-être pas gagné, mais... Non, Dieudonné, c'est un numéro. J'ai fait un numéro, moi, avec lui au dernier festival Juste pour rire, là, puis c'est tout un personnage. Justement, excuse-moi, Simon, vite fait, nous, on essaye d'inviter Louis-José Houde et d'autres têtes comme ça à notre show, fait que tu vas pouvoir lui parler de nous, là. Tu vas pouvoir, là, oui, mais... De hein, 70%. En bien ou en mal, c'est ça. S'il te plaît, Guy, s'il te plaît. Tu parleras de la belle animatrice. En échange, je vais aller jouer pour ton équipe de casseurs. T'es remplaçante, toi? Ouais. C'est fin. Ben écoute, justement, tu disais toujours, pour poursuivre dans la même veine, que dans une société saine et équilibrée, on devrait pouvoir faire des blagues sur tous les groupes sociaux, y compris les immigrants. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu tabou ici dès qu'on commence à faire une blague. Ben ça. Oui, le multiculturalisme en ce moment, c'est un des sujets tabous. Et pas sur n'importe quelle nation, soit dit en passant. Il y a des nations où tu peux faire pas mal plus de jokes que sur d'autres. Oui, ça fait moins mal de faire une joke sur un Français que sur un Noir. Oui. Ben non, même à ça, je te dirais que les Noirs, tu te fais pas... quand t'es humoriste, tu fais des jokes sur les Noirs, tu te fais pas achaler trop, tu sais. Ah non, pas tant que ça? Non, pas tant que ça, mais... Surtout si Anthony Cavanaugh ou Makakoto avec toi sur ou stage. Ou même si c'est chinois ou n'importe quoi. Mm-hmm. Ce que je veux dire, c'est si tu rentres dans les gros clichés là, de parler comme ça, comme un chinois, le monde va... tu sais, les gens vont rire, puis les Chinois ont un bon sens de l'humour, mais c'est surtout si tu rentres dans des dynamiques plus religieuses, là. On s'en cachera pas, hein, je veux dire... Juifs et musulmans, quand il y a des extrémistes de ce côté-là, puis des chrétiens aussi, mais évidemment, on le sent moins parce qu'on on vit dans cette culture là, mais l'extrémisme, c'est souvent les religions monothéistes, puis il y en a trois, là. Il y a des juifs, les chrétiens, puis les musulmans qui entendent pas souvent faire rire d'eux autres, puis je trouve ça malheureux parce que on dirait que quelqu'un qui met le feu à des bâtisses passe pour un héros, puis quelqu'un qui fait juste une joke, s'il y a quelque chose qui est pas trop offensant, c'est bien ça, mais il risque de plus en plus. Tu sais, les journalistes, les humoristes, tout ça, on dirait qu'on risque de plus en plus notre sécurité physique et financière de se faire poursuivre, puis n'importe quoi, puis je trouve ça un peu ridicule. Guy, justement, risquons un petit peu. Risquons ta sécurité financière. Ouais, vas-y. T'en as-tu une bonne? Sécurité financière? Non, une joke à me compter. Qu'est-ce que tu veux savoir? Juste une bonne joke à me compter, soit sur les immigrants, sur les gays, non, sur quoi que ce soit. Je compte pas de joke en entrevue, mais je veux dire, viens voir le show, tu vas en entendre des bonnes. Ah non, mais je parlais pas d'une joke de ton show nécessairement, mais enfin... une joke vite faite à la volée. Non, j'ai pas dit ça de parler. Non. Mais moi, j'ai peut-être une question. Okay. Souvent dans les... excuse-moi, vous étiez allé? Ben oui, c'est pour faire suite à ça, tu dis justement que dans tes 18 ans de métier, il y a un paquet de jokes que vous pouvez plus faire, surtout par exemple depuis le 11 septembre, vu qu'ils sont pas dans ton show. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de jokes qu'on ne peut plus faire? Right on, 1-0 Simon. Je peux te donner un bon exemple. Ce soir, il va y avoir du sport. Moi, il va y avoir du sport. Je fais un débat. Je fais un numéro sur les deux sujets qui ont été débattus dans l'émission, chaque semaine. Mm-hmm. Ce soir, une des deux questions, c'est Est-ce que le Canada devrait continuer d'appuyer inconditionnellement Israël? Alors, c'est clair, non. Net et précis que là, les avocats de Télé-Québec se sont mis, ça a été enregistré mercredi, puis aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a deux jokes qui ont sauté. Ah ouais? Ouais. Okay. Et ça, c'est jamais arrivé avant, okay. Là. Ça fait 2 ans que je suis là, il n'y a jamais une joke qui a sauté. T'as-tu le droit de dire ici? Oui, oui, ben je peux te l'expliquer sans c'est ça, je te dis ça, c'est pas parce que je veux pas faire de jokes, c'est parce que quand t'es humoriste, tu fais des jokes, t'es dans un beat d'humoriste, tandis que là, on jase, tu sais. Ouais, je comprends. Je peux pas faire « Hey, hey, hey! » Bon, tu sais. Non, mais moi, c'était plus une joke, c'est du style, c'est une fois un gars. Tu vois, par exemple, dans ce numéro-là, je disais, c'est rendu que tu peux plus faire de jokes sur Israël sans te faire traiter de raciste. Puis je dis pire, antisémite. Soit antisémite, ça veut dire que t'es raciste avec une race qui a moyen de te poursuivre en justice. Ouais. Ben, en ça, fait, là, il y a eu un gros rire dans le studio. Mais les avocats ont décidé que pour pas antagoniser, là, puis pour pas provoquer pour rien, ils sont du bas. C'est peut-être juste des provoqués. Puis là, mais ce que je trouve malheureux, c'est que moi, je leur ai dit ça tantôt. J'ai dit, regardez, c'est vous autres, hein, c'est eux les producteurs. Puis les diffuseurs, puis c'est vrai que c'est eux qui ont le dernier mot sur ce qu'ils présentent. Mais ce que je trouve malheureux, c'est que si j'avais fait cette joke-là, c'est bouddhiste, là, honnêtement, jamais, mais ça serait même pas rendu sur le bureau des avocats. Et c'est ça que je trouve malheureux, c'est qu'on se laisse intimider. Puis ce ne sont que des blagues, tu sais. Puis on vit d'une société où on a le droit de faire des jokes, où on a toujours aimé ça, l'humour au Québec. Et là, c'est rendu qu'on analyse trop les affaires en se disant, oui, mais comment un tel va recevoir ça? C'est vrai. Et on se préoccupe même pas de comment il va ressentir ça. On se préoccupe de est-ce qu'il est en mesure de pouvoir nous poursuivre en justice? Ça, en plus, j'ai deux points à rajouter là-dessus. Le premier, vite, c'est que, selon les textes sacrés, c'est que les Arabes eux-mêmes, les musulmans, descendent de peuple sémite. Ils sont sémites eux-mêmes. Absolument, bien sûr. Première chose, sémite, ça vient de Sem, Sem, c'est le fils de Noé. Alors, exactement. Les sémites, ce sont à la fois les musulmans et les juifs. Tout à fait. Deuxième chose, c'est que quand on dit est-ce que le Canada devrait appuyer inconditionnellement Israël, c'est que ça l'implique est-ce que le Canada doit appuyer la politique israélienne. Absolument. Et si on dit ça, ben je m'excuse, mais la moitié des Israéliens et probablement des juifs sur la planète sont antisémites. Ben, il y a beaucoup de Parce juifs. Parce qu'il y a la moitié, ben, où il y a une bonne proportion de la population israélienne qui ne supporte pas la politique. Il y a beaucoup de juifs qui sont, vous écouterez, il va y avoir du sport ce soir, vous allez voir. Je l'écoute, il y a des juifs. Il y a des juifs qui sont anti-Israël et eux ne sont pas traités d'antisémites, tu sais. Mais en tout cas, moi, je trouve ça toujours compliqué le fait qu'on mélange juifs et Israël. Tu peux être contre les politiques d'un pays. Dans mon monologue, j'en parle de ça. Je dis, tu peux être contre les droits de l'homme en Chine sans te faire traiter d'anti-bouddhiste, là. Ça n'a absolument et strictement rien à voir. Et je trouve ça fatigant qu'on se fasse toujours ramener à la religion alors qu'on parle d'une politique internationale qui est appliqué par une nation, par un pays. Puis c'est pareil, si t'es anti-américain, t'es pas anti-chrétien, je veux dire. Est-ce que tu fais des jokes sur les bébés morts? Non, pas encore, non. J'en ai une bonne, mais je te ferai pas en nom. Moi aussi, j'en ai une, papin, puis je vais la faire en nom. Ouais, ben t'es plus courageux que moi. Do you know what's the difference between a dead baby and a rock? Non. You can't fuck a rock. Oh! On se donne à fond ici. Je n'ai plus de carrière. En fait, c'est moi qui vais le passer, le quiz des Guy. Après ça, on va aller en chanson parce qu'il est déjà 7h01 et si notre maître Guy doit quitter. Qu'est-ce que vous en dites? Ça a bien de l'allure. Ouais, le quiz Guy. Connais-tu tes Guy? Connais-tu tes Guy? C'est à moi que vous demandez ça. On est allé chercher de très, très grosses questions là-dessus. OK, donc c'est moi qui vais les poser cette fois-ci. C'est super, c'est bon. Je suis le beau de RBO. Oui, Guillaume Lepage. C'est beau, ça commence fort. Je suis le fondateur du Cirque du Soleil. Guy la Liberté. Ça va bien. On me surnommait le démon blond. Hey, c'est Guy, Caroline. C'est Guy. Même pas besoin de nom de famille. Je suis le troisième membre du Big Three. Guy Lapointe. Yeah! Qui, soit dit en passant, devrait être le premier parce que c'est lui qui était le meilleur marqueur des trois. Voilà. Et qui a retiré le numéro 5 pour deux joueurs puis qu'ils l'ont pas retiré pour lui alors qu'il méritait que son chandail. Puis il aurait pas dû retirer des chandails. Si tu prends ta retraite, on le retire là ou on le retire jamais. Mais bon. C'est une autre affaire. J'ai scoré beaucoup de buts contre mon propre camp. Oh. Guy Carbonneau? Non, je pense pas. Guy Bertrand? Oh mon Dieu, là, tu changes de sport. Okay, attends un peu. En effet. Mais ouais, ben lui, on sait pas c'est quoi son camp, soit dit en passant. Parce ben c'est peut-être pour ça, mais il score partout. Il change souvent d'opinion. C'est ça. Mes filles sont insupportables, quoique j'aime bien les enfants. Oh, ouais. Hey, c'est quel salaud. Mais je sais que tu parles de Guy Cloutier. Okay. Je suis le Guy qui accompagne le mieux, qui s'accompagne le mieux d'une baguette et d'un feu de camp. Comment tu dis ça? Je suis le Guy qui s'accompagne le mieux d'une baguette et d'un feu de camp. Oh, Guimau, franchement, oui, c'est pas... Oh. Tu sais, quand tu me demandais les jeux de mots plates qu'ils font en Chine, là, ça ressemble à... Ben, okay. Je suis le maître de jeux de mots plates. C'est pour ça que t'es retourné 5 fois. Je suis le plus gay des Guy. Il est facile. Ah, ben... Il est facile. Guigué? Non, c'est ben, Guigidoun. Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est... Guigué, la vraie réponse, c'est Guigué, qui est un personnage de Paul et Paul. Ah, pas la vraie réponse. Ouais, puis on s'est trompé dans non, non, mais c'est ça. C'était bon, le plus gay des Guy. C'était Guy Gay. C'était Guy Gay. Non, excellent. Des cyniques. Est-ce que c'est cynique ou pas les Paul? Il me semble que c'est cynique. En tout cas, qui fut Guy Concordia? Je pense pas que ce soit pareil. Mais d'ailleurs, c'est qui ce Guy-là? Oh. Je sais pas. Hein, le Guy de la rue Guy. C'est une famille Guy. En fait, on peut aller sur Wikipédia. Ah ouais, c'est une famille. Que... Mais ouais, puis sur Wikipédia, ils donnent l'origine des noms de toutes les stations de métro. Ah ouais. Ouais, à quelle année qui ont été construites, puis toute la patente. Ah, c'est quand même les 40 ans du métro cette semaine. Faut pas oublier ça. Oui. C'était Guy au début, puis c'est devenu Guy Concordia. Non, non, ça je suis. Quand que le gars, ouais, c'est ça. Quand j'étais enfant, c'était Guy, puis Berry-UQAM, c'était Berry de Montigny. Voilà. Absolument. Décrivez-moi les symptômes du complexe de Guy Favreau. Oh God, c'est d'avoir des grandes salles vides. Bon, ben tu connais bien tes Guy. Pas fait, hein? Puis là, la dernière chanson que tu vas avoir l'honneur d'entendre, c'est un groupe québécois qui s'appelle Hockey Cossum qui a fait une chanson qui s'appelle Guy Lafleur. C'est un spécial Guy, c'est un spécial hockey. Fait qu'on y va, Guy Lafleur. On a travaillé très fort. Oh, on a travaillé fort. On vous revient à 70%, mais Master Guy en moins. Bye bye. Salut Guy. Tout le monde. Merci, ça m'a fait plaisir. Salut. I went to the doctor. Guy Lafleur, Guy Lafleur. Out on the highway, je suis Bob Gainey. Guy Lafleur, Guy Lafleur. The puck's in the corner, pass it to Napier. Guy Lafleur, Guy Lafleur. Calling your name at the end of the game. Guy Lafleur, Guy Lafleur. Brian Walter showed you his tattoo. Guy Lafleur. Score 1,000 goals for me and you. Guy Lafleur, golden boy without a helmet. Guy Lafleur, Guy Lafleur, des choux claques dans le fond de ma main. Guy Lafleur, Guy Lafleur, how could we forget you, Guy? Oh, you were such a sight to see, skating as though you were flying, little hearts. Hardest times, even when you said goodbye, even though you're not so clever, fallen heroes live forever. Ici Guy Lafleur pour Halifax. Là, la perruque de Guy Lafleur dans l'enclave. Oui, c'est bien elle. Ma perruque. Ma perruque. C'est pas un déshonneur. C'est pas un déshonneur. If you don't recognize, I'll pass it to recognize. Guy Lafleur, Guy Lafleur. Feet moving like Elvis, pass it to Jarvis. Guy Lafleur, Guy Lafleur. Straps reeking, but pal Jack's cleaning. Guy Lafleur, Guy Lafleur. Superstar so far from Thurso. Guy Lafleur, Guy Lafleur. Like a clown, you're on the radio. 15 secondes de Flower Power. Toujours aussi bonnes tes chansons. Oh oui, Guy Lafleur ici, chanté par OK Cossum. On va utiliser la voix bariton de M. Nantel encore une fois. Tu veux que je te fasse un indicatif? Vas-y, oh yes. Mon gars, faut que ça soit de la pub. Alors ici, Guy Nantel, la sympathique équipe de 110%. 60 ans, tu vois, je m'étais dit pourquoi je me mélange. Ça va être la meilleure ouais, pub. C'est ça que je voulais dire, c'est celle que vous allez garder. OK, on repart. Ici Guy Nantel, la sympathique équipe de 70% est présentement en vacances. Alors, vous écoutez l'équipe B de 70% à choc. FM, UCAM, FM. All right. Guy, Guy, Guy, Guy, Guy, Guy, Guy, Guy, Guy, Guy, Guy. Ça dure combien de temps, ça? Good stuff. Hey, merci, c'était sympathique. Merci de passer, Guy. C'est le fun parce que ça peut être à la fois drôle et niaiseux dans la même heure. Oui. Puis des fois, comme très prochainement, on espère, on devrait, ça reste à confirmer, le docteur Richard Béliveau qui a écrit les aliments contre le cancer. Ouais, c'est moi qui arrange son internet, fait qu'il n'y a pas le choix de venir. Mais des fois, on peut être très, très, très sérieux, puis c'est variable. Bon, dès qu'on atteint la note de 70% au niveau intellectuel, on relâche tout. Quand je croise des humoristes intéressants, je leur dis que des bons mots à votre endroit. Merci, monsieur Dantel. Oh, fort apprécié. On va essayer de faire du PR, bro. Oh, yes. Thank you. Salut tout le monde. Bonne fin de semaine. Oui, merci. T'as-tu quoi à plugger en attendant? Non, ben, je suis au Saint-Denis 17-18 novembre, puis sinon, partout à travers le Québec, dans différentes salles près de chez vous. Parfait. Et dans les épiceries marchées Richelieu. Oui, ben oui. Puis plus sympathique que tu le pensais, n'est-ce pas? Ben quand? C'est agréablement surpris. On t'avait dit que j'étais un air bête, c'est ça? Ben en fait, oui, c'est à peu près le mot qu'ils ont sorti. Oh, je dirais pas le mot, là, mais tu sais, c'est à peu près ça. C'est vrai? on dit ça de moi des fois. Ils ont-tu dit des affaires la même pour vrai que j'étais pas genre. Disons que c'est un petit village langue sale. Oh mon Dieu. Que les gens peuvent être méchants. Mais le jus de pomme est en spécial à 89 cents. Mais c'est vrai que dans la vie, là, dans la vie, parce que faut dire qu'on fréquente la même épicerie. Bien, on vient de le découvrir, puis qu'il s'est fait dire à l'épicerie, parle pas trop à Guy Nantel parce qu'il est bête. C'est que dans la vie, c'est vrai que je suis un gars très discret et très sérieux. Moi, je passe pas mon temps à faire le clown puis à crier à tout le monde que je suis humoriste. Fait que ça peut peut-être donner cette impression-là, mais si tu me chatouilles discrètement en dessous des bras, tu vas avoir un petit sourire devant toi. Oh, c'est cute! C'est Pascal? Ouais, c'est... Ben, Pascal qui attend un appel de son date, fait qu'on va le faire. Bon, je voulais saluer et puis... Merci beaucoup d'être passé. Bon week-end. Bye. Bye bye. Pendant ce temps-là, en fait, je vais commencer tout de suite ma petite chronique. Un texte que j'ai écrit qui s'appelle « L'âge du recyclage ». On a Blaster Master en background. Donc, qui ne recycle pas? Moi, comme je recycle, je suis meilleur que tous ceux qui viennent de répondre par l'alternative. Je suis meilleur parce que... Ah, je vais serrer une main. Salut. Bonne poignée en passant. Excellent. Je suis meilleur parce que ma conscience sociale est tellement meilleure que la vôtre. À moins que vous ne recycliez pas pour des raisons religieuses. Là, c'est correct. Raisons religieuses ou pour une question de valeur personnelle. Ah, il y a aussi une question d'allergie. Ça aussi, ça passe. Tout comme le fait de trouver ça dégueu de jouer dans des déchets. Finalement, j'accepte le manque d'envie, la critique envers le système, le bon vieux nihilisme ou le manque de temps. Mais bon, poursuivons. Moi, si je n'étais pas meilleur que vous, je choisirais la critique envers le système comme défaite. Non, mais c'est vrai, tu sais. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut recycler. Pourtant, je suis sûr et certain que la majorité des gens qui entendent ceci n'ont aucune idée de ce qu'est un éco-centre. Je suis si supérieurement meilleur que je vais vous expliquer, checker bien ça. Un éco-centre, c'est une bâtisse avec des murs, un toit, un plancher qui contient des employés payés par nos taxes municipales de Montréal et qui travaillent à redonner vie à des matières plus difficiles à recycler que le papier et le verre. Parce que, virgule, le saviez-vous, virgule, Il est inutile de jeter votre vieux vidéo au recyclage pour la simple et inexplicable raison que les gentils employés qui font le tri des déchets n'ont même pas accès à un bac écrit EcoCentre dessus. Donc, au lieu de rediriger le vidéo en question vers une instance capable de s'en occuper, en l'occurrence ce mystérieux éco-centre, les préposés au recyclage ne font que le déposer dans les poubelles. Si c'est pas un exemple de mauvaise volonté. À leur défense, on peut citer la logique. La logique veut que les camions qui ramassent le matos à recycler aient tendance à broyer, compacter, assez serrer ce genre d'ex-appareil électroménager, histoire de ne pas faire 400 allers-retours dans la même journée. Après tout, à quoi ça sert de à quoi bon recycler pour moins polluer si le coût environnemental revient plus élevé en dinosaures morts? Je ne vois cependant pas où est le problème. On n'a qu'à ajouter une remorque au camion et écrire sur cette remorque EcoCentre. Tiens, j'en ai une autre idée. On devrait peut-être justement se concerter et épuiser au plus vite toutes les réserves de ce satané pétrole. On serait... Hey, vous sentez comment je suis frustré, hein? Satané. Oh, vraiment. Satané pétrole. On serait bien obligé de le sortir pour vrai, le fameux moteur à eau. Parce que moi, je m'en souviens de la pub de GMC, tournée en 2000, qui se vantait de bientôt pouvoir nous offrir un véhicule fonctionnant à un carburant qui permettrait de prendre un bain chaud en arrivant à Gaspé. Je m'en souviens, moi, de cette pub-là. Pourquoi est-ce que je suis seul? Le mouvement semble déjà commencer, le mouvement de gaspille, parce que quand on regarde la moyenne de passagers de chaque voiture sur les routes, on se rend rapidement compte que chaque véhicule contient environ 1,2 passagers. Tout le monde veut que tout le monde fasse sa part pour l'environnement, et pourtant tout le monde se promène seul dans sa voiture. Comme j'ai établi au début du texte mon meilleurisme, je me permets par la présente de critiquer tous les êtres humains de ce monde qui se baladent pratiquement tout le temps en solitaire dans leur auto. Donc, pour conclure ce texte tout en rebondissement, je vous conseille de 1. Découvrir où est l'éco-centre de votre quartier et de 2. Ne plus acheter de GMC parce qu'elle continue à rire de nous en longueur, ces trois lettres-là. Puis faites donc plus de bicyclettes. Ça sauve du dinosaure mort puis ça garde sexy 100 produits à 80$ par mois. Oh oui! Voilà, c'était mon cœur qui vient de se vider. Ah. Est-ce qu'on passe à une chanson? Ah, Pascal ici qui veut parler. Ben oui, il faudrait peut-être... Tu veux faire ta chronique? Ben ouais. Ben gars, on va mettre une chanson avant, tu l'as fait en venant. Ben, OK. Oui, on a parlé assez, là. 70% qui vient de baisser de régime. Oh, Blowing in the Wind. Bob Dylan. Oh. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. J'ai presque envie d'en pleurer. Bob Dylan ici, celui qui collectionne les religions. On met une petite trame sonore en background. Voilà. C'est la chronique, bien sûr, de Pascal. Je vais garder mon aventure de film pas bon pour la semaine prochaine. Encore une fois, l'Alienator et Trunk 25 la semaine prochaine. Ça Pascal! Touche. Oui, bon, moi, je vais vous parler de vaginisme. C'est un trouble sexuel chez la femme. Bon. Ça consiste en fait, plusieurs femmes souffrent de douleurs lors de la pénétration quand elles font l'amour et se demandent si elles sont normales. C'est plus fréquent qu'on le croit. Ça nuit à la pénétration parce que le muscle périvaginaux qu'on a tous, les femmes. Ouais, Donc, les muscles périvaginaux se contractent et se resserrent complètement au contact du pénis. En fait, c'est comme le réflexe colle-œil quand on s'en va mettre notre doigt dedans qui se ferme. C'est absolument involontaire. Puis ça peut être très choquant pour la femme qui pourtant semblait désirer avoir la relation. Non, regarde, tu vois, je suis capable de mettre mon œil dans mon doigt dans mon œil sans fermer. Ouais, mais si je m'en vais te donner une pichenote dans l'œil, ton œil va fermer. Ouais, c'était de la mauvaise foi, là. Vas-y. C'est ça. Alors, la sensation de douleur donne l'impression d'un brûlement ou d'un déchirement. Ça peut s'atténuer pendant les rapports sexuels, mais habituellement, c'est toujours présent. Ces femmes-là ont de la misère à insérer un tampon, souvent. Ouais, alors, si vous reconnaissez. La version chronique. Oui. Les douleurs peuvent avoir plusieurs causes. Seulement, le fait d'appréhender une relation sexuelle, être stressé, inquiète ou inconfortable peut rendre la pénétration difficile, voire impossible. L'inquiétude vient souvent de la peur de devenir enceinte, la peur du sexe de l'homme s'il est trop gros. Le sexe ne peut pas être... Ça explique tout. Ben oui. La sainte. Oh, niaiseux. Le sentiment de pas être à la hauteur ou encore un malaise dans le couple, si c'est le cas. Parfois, la cause est plus difficile à cerner. Ça se trouve plus dans l'inconscient de la femme. Sûrement, hein? Mais ça, il y a des choses à faire pour ça. Premièrement, la femme doit aller consulter un gynécologue pour que celui-ci fasse un examen pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie génitale. Et ensuite, la femme va falloir qu'elle travaille sur elle-même. Il y a des exercices pour ça. Ben oui, des exercices. C'est l'exercice de... Exercice. Fait que là, t'es en train de parler exercice. À 70% de donner un truc aux femmes qui ont des problèmes de vagin de oui. Régler. J'adore ça. J'adore. Vas-y, continue. L'exercice de Kegel, ça consiste à resserrer les muscles du plancher pelvien, donc du vagin. Les mêmes muscles qu'il faudrait contracter si on voulait interrompre l'écoulement de notre urine en faisant pipi. Ah-ha. Quand on est à la toilette, pardon. Je suis sûr que vulgariser comme ça, les gens vont plus comprendre. Ben oui. En fait, il faut contracter nos muscles, maintenir cette position pendant quelques secondes et après les relâcher. Au début, on peut faire cet exercice-là quand on est à la toilette. Pour s'assurer de pas s'échapper, tu sais. Mais après, quand on maîtrise bien la technique, faut plus les faire à la toilette parce que ça pourrait être mauvais. Comment ça? Parce que tout le temps, arrêter ton flux d'urine, c'est pas bon. Ah ouais? Ouais. Ah. Alors, tu peux les faire même à n'importe quel moment de la journée, comme présentement, j'en fais. Ah, c'est cute! C'est génial, hein? Ben oui! Ça paraît même pas. Je suis en train d'en faire. Tu peux te rhabiller, Oh, ok, excusez. Mais tu sais, elle était compliquée. On dit de faire 20 contractions à chaque fois, puis c'est ça. Ensuite, après avoir fait ces contractions-là, il faudrait que la femme s'exerce à s'habituer à avoir quelque chose dans le vagin. Elle peut faire ça avec ses doigts de préférence, parce que c'est plus facile... Qu'avec ses pieds. Oh, elle est bonne. Non, en fait, avec un god, ça peut y faire mal, puis c'est plus difficile à retirer les doigts à la pleine maîtrise. Avec un gun? Un god! Un god, genre Dieu, là, ok. Un god Michel. Ah oui, un god Michel. C'est important de dire que ce serait important que pour cette femme-là, qu'elle utilise un bon lubrifiant. Ouais. Parce que peut-être que si elle est stressée, elle lubrifiera pas très bien. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres? Ouais, il y a KY, il y a ID, Sensitive. Non, c'est une pâte à dents, ça. Sensodyne. Mettez-vous du sensodyne dans le vagin, les filles. Fait que c'est ça, mais en fait, on dit de pas utiliser les doigts de son chum parce que lui, peut-être ça ne tenterait pas d'arrêter, là. Ouais, fait que c'est mieux qu'elle apprenne à connaître son corps. Ouais, qu'elle connaisse son corps, qu'elle... Ouais. En fait, c'est ça. Puis il faut qu'elle évite d'associer son partenaire à la douleur. Mais si la fille n'est pas capable de faire ça par elle-même et de s'en sortir, eh bien, encore une fois, allez voir un gentil sexologue. Les spécialistes, et toujours oui. La réponse. Puis là, il faut que je chiale un petit peu parce qu'il y a personne qui m'a écrit encore, là. Sex70@hotmail.com Sexe en français, S-E-X-E. 70-S-E-X-E à commercialhotmail.com pour des conseils sur votre vie sexuelle. Est-ce que vous crousez comme il faut et toutes ces choses-là? Toi, t'es là pour répondre à ça. En fait, peu importe une question, peu importe un sujet qui vous intéresserait que je parle si vous voulez pas me poser de questions puis vous voulez savoir quelque chose. Moi, je pense que là, le cri du cœur a été perçu ouais. par certaines personnes en Abitibi et peut-être en particulier à Val-d'Or. Simon, t'as l'air d'être chargé. Moi, j'avais une entrevue ici parce qu'on a quelque chose, une entrevue entre notre journaliste sportif, Marc, et Mike Komisarek. Veux-tu jouer ça ou t'as une face de gars qui veut parler? Vas-y, je t'écoute. Ah, moi j'allais parler de... J'allais te demander si t'es xyloglotte. Peut-être. Non. Est-ce que les gens sont xyloglottes ici? Xyloglotte ou xyglo? Xylo. Xyloglotte? Oui. Non. Est-ce que vous savez ce que c'est être un xyloglotte? Non. Du tout. Eh bien, un xyloglotte, c'est quelqu'un qui maîtrise l'art d'inventer des mots compliqués pour parler de choses communes en utilisant des racines grecques et latines. Xylo vient du grec bois et glotte, un parler ou gueule. Parler, oui, un oui, gueule oui, de oui. bois. Ah, c'est un clin d'œil. C'est parfait, ça. Alors, quand on est xyloglotte, on va utiliser des termes comme, par exemple, kilopédiculteur. Pour dire? Éleveur de mille pattes. Oh. Oh boy. Ça existe? Aéronihilisme. Pour dire? Tendance à avoir l'air de rien. Bovinoderme. Qui veut dire? Peau de vache. Peau de vache. Oh! Frigidolactum. Qui veut dire? Lait caillé. Ah! Morphométéorisme. Qui veut dire? Quelqu'un qui pète la forme. Cool! Oui, et Nabucodinosaure. Qui veut dire? C'est un très vieil opéra de Verdi. Aïe, Nabucodinosaure, comme dans Nabucodinosaure, roi de Babylone. T'as pogné ça où, ça? Dans j'ai des sources disséminées tout partout. Les recherchés 70% Pascal, je t'ai présenté, sont dans une cave chez nous. Je veux devenir xyloglotte. Notre entrevue avec Mike Komisarek, notre journaliste, Marc qui est passé. Finalement, on va avoir fait quelque chose avec Mike Komisarek, qui est notre journaliste et de toute beauté. Hello, Mike, défenseur du Canadien de Montréal. T'as finalement appris le français pendant la saison morte. Oui, c'est vrai. J'ai appris le français pour que je puisse enfin vous dire que dans votre langue, c'est pas jouer ici devant des francophones et que votre agent canadien, c'est la merde. Une province qui prend le social-démocratie une gratuité scolaire ça manqueur. C'est comme jouer pour Stalin. Fuck Stalin. Ma femme, tout ce qu'elle veut, c'est pouvoir vivre dans une ville où elle peut acheter des packs de 3 livres de Doritos et on comprend que la guerre en Irak c'est pour la démocratie. On s'en crise complètement de Montréal. Tout ça que je veux c'est aller jouer de vrai hockey sur glace à la Phoenix et Arizona. Merci Mike. Vous croyez que c'était une semaine comme les autres? Et vous aviez tort, car Choc FM, selon le dernier sondage BPM, est numéro 1! Numéro 1 chez les étudiants en animation et recherche culturelle, Choc FM numéro 1! Numéro 1 chez les mâles de 28 à 37 ans mineurs de travail social, numéro 1! Numéro 1 chez les internautes aux prénoms composés célibataires depuis 10 ans, Choc FM numéro 1! Choc FM, dans tes oreilles, toujours! Oh boy, encore une fois, c'est les résultats de notre pré-production. De toute beauté, ça, mon cher Simon, on s'est dépassé quand même. Numéro 1! Numéro 1! Oh. Bon, ben, je pense qu'il est temps de tirer un trait là-dessus. On est en train d'écouter Lady Tron en background, Miss Black. Et Simon qui applaudit. Simon, t'as une mauvaise grippe, il va falloir que tu fasses attention à ça. On s'est fait un nouvel ami 70% ce soir. Ça a été très sympathique. Qui ça? Toi? Ah, c'est vrai, toi, deux nouveaux amis. Allô? Hein, deux nouveaux amis, si on compte Monsieur Maître Nantel. Ben oui, ben oui. Donc, toi, Sébastien, tu vas revenir avec des chroniques régulières sur la situation du hockey Cossum à l'UQAM. Résultat du reclassement. Et voilà. Moi, la semaine prochaine, ben, on va ramener les extraits d'Alienator. On a eu encore un invité de gamme, fait que vaut mieux garder la marde pour une autre fois. Toi, Simon, t'as-tu quelque chose en particulier? Tu nous reviens avec un comic de la semaine? Non, je n'ai pas de comic de la semaine cette semaine, malheureusement. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi déjà les matchs à surveiller? Au hockey cette semaine, Sébastien? Dans la catégorie A, les Tibiens enflés contre les Maurice. Dans le B, pour quelle raison? Tibiens enflés contre les Maurice, c'est deux des quatre meilleures équipes du A. Donc, ça risque d'être un bon duel. Très, très bon duel. Sinon, les Ramoneurs contre les Wasted Worms, les Bleus et les Pneus dans le B, parce que justement, il y a un combat pour la position du A. Et pour les amateurs du Bistrot Sanguinet, l'équipe du Bistrot affrontera le HC Lead à 9h20. Oh, très intéressant. Très, merci, très Sébastien. Intéressant. Merci beaucoup. Donc, vous avez écouté 70%. De bye cette bye. Journée qui n'était pas l'autre journée. Bye là. Bye, bye. Bye bye. Qui va gagner, madame? Bye bye. GTG. Hey, on a mis aucun. Crotte de beurre. Bingo. Jordanie. Afin de rapprocher les peuples du Moyen-Orient, Yasser Arafat lance un concours de blagues. Complétez la phrase suivante. L'autre jour, je jouais à tag avec un chien, une tweet puis le troc. Fait que c'est le troc qui avait à terre quand il a voulu donner la truite, que ça a fait? Il est foiré! Ah! C'est ça, la connaissance!